Bonjour, direct mercredi le 12 janvier. Lendemain, est-ce que c'est le lendemain ou le surlendemain? Désolé, j'ai une notion du temps très bon. Au lendemain de l'annonce que justement il va y avoir une différence des possibles au niveau de l'inoculation devient un droit ou l'être non inoculé devient un droit lié à votre condition pécuniaire. C'est-à-dire que non seulement on a eu des gens comme Jean Charest qui ont l'hypocrisie, puis si vous voulez savoir de quelle hypocrisie je parle, il y a un petit livre qui s'appelle Le Livre noir des élites québécoises. Jean Charest avait fait une loi anti-pauvreté. Mais on a affaire à un système qui est surtout anti-pauvre. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à des darwinistes sociaux. Nous avons affaire à des darwinistes sociaux. C'est pourquoi l'inoculation obligatoire. C'est quelque chose auquel vous pourrez vous souscrire, dans le sens que vous pourrez vous en passer. Car si vous avez les moyens, parce que le gouvernement Legault, qui est incapable d'être créatif, s'est inspiré de l'Autriche et il va falloir payer. Bonjour Vincent. Vous n'êtes pas en colère contre moi? Comment tu te sens? Je me sens bien. Vous savez, moi, je suis ni quelqu'un de heureux, ni de malheureux, ni dans le bonheur, ni dans le malheur. Donc, quand on est comme ça, on se sent toujours bien. On n'a pas à vivre la polarité, la bipolarité, même je dirais, comme les gens qui veulent être heureux, qui vont toujours par après vivre des périodes où ils sont malheureux, mal dans leur peau. Tu pourrais avoir mal aux pieds, par exemple. Ben oui, mais c'est pas ça. Je fais une différence entre mon corps et mon état d'esprit. Il y a une grosse différence, là. J'ai tout le temps des douleurs chroniques. Tout le temps. Est-ce que j'ai l'air malheureux? Ben, j'espère que je pourrais avoir mal aux pieds. Ben oui, pourquoi pas? Ben non, je m'en accommoderais. Vous savez, j'ai toujours de mal quelque part, tout le temps. Puis, pour être bien frais, ça peut sembler fou, là, mais ça me déplaît pas. Ça me force à être dans mon corps, puis être. Moi, j'ai eu la diarrhée pendant 5 jours. Je me sens pas bien du tout. Ni heureux, ni malheureux, par contre. Bon, ben, c'est au moins ça. Vous voyez, là, c'est quand même. Ça peut être une bonne chose d'avoir la diarrhée, mais vous allez devoir vous renouveler. La réalité puis la bipolarité, c'est deux choses exactement. Exactement. Ça donne quoi de vivre des instants intenses de bonheur si par après vous devez vivre des instants intenses de la polarité contraire? Pour intégrer le réel, il faut sortir de la polarité psychologique. Si vous voulez être capable d'utiliser l'énergie des programmes, il faut sortir de la programmation. C'est une des bases. Mais ça, c'est difficile à intégrer. Très difficile, comme ce qui était annoncé par François Legault. Ça, je m'y attendais. Je ne peux pas être surpris. D'ailleurs, j'avais mis de côté au cas. C'est toujours. Puis, c'est ça, il nous annonce que finalement, ben, vous pouvez vous passer de l'inoculation obligatoire si vous avez les moyens. Ben, c'est sûr, ces gens-là sont des darwinistes sociaux, ils haïssent les gens pauvres. Hein? Ils détestent la population, au fond, surtout la classe moyenne, là. C'est des petits mesquins. Sortir de la matrice collective par l'individuation. Moi, on pourrait dire ça comme ça. Ben déjà, ça serait supérieur à sortir de la matrice collective pour entrer dans un autre collectif, comme les gens qui nous gouvernent. Du coup, les 75 piastres du chat, ça va partir dans l'abonnement. Ben oui, je vais pas payer 75 $ par mois pour un chat, mais moi, pour me passer de leur. En tout cas, ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Là, je vais payer. C'est certain. Voyons donc. Mais il risque de renouveler ça chaque année, vous savez. Il risque même d'augmenter ça. D'ailleurs, on nous dit, par exemple, les non-inoculés occuperaient plus de 50 % des soins intensifs. Mais oui, mais si on regarde les âges des gens, puis qu'on regarde le pourcentage d'inoculation de ces gens-là, ça marche pas, là. En plus, on a affaire à deux comptables. Leurs chiffres marchent pas. Bon. Salut, j'ai pensé quelques minutes avant ton live que tu ferais bien un live. Ben oui. Ben, pourquoi pas? Vous savez, même des fois, je sais pas pourquoi je me mets à parler d'un sujet, puis tout d'un coup, je me rends compte par après que c'est parce que quelqu'un, semble-t-il, voulait que j'en parle. On dirait qu'il y a des causes à effet. Donc oui, il y a des liens qui se font. C'est le vibratoire, ça fonctionne, c'est la mécanique. C'est très subtil. Donc, c'est la relevance. Moi, n'as-tu pas senti comme un tournant dans le narratif? Ben, comme par exemple que Dr. Tartelett allait donner sa révérence. Si on s'en pressentait, de toute façon, ça fait 2 ans, je le dis, cet homme-là a une tête à chapeau. Hein, c'est une petite carte de mode en plus, là. À défaut d'avoir un physique qui n'est pas un gros, s'il essaie d'être à la mode, de s'habiller le mieux. Mais bon, les gens superficiels comme ça, qui ont énormément de vanité, ça fait des pions parfaits. Puis une fois qu'ils ont accompli leur travail, on peut les évacuer puis mettre autre chose à la place. Ça veut dire que oui, il y a un tournant quelque part. Donc, bonjour, je pensais à un live il y a. Ben oui. Mais il ne faut pas non plus donner un sens à tout. Le hasard n'existe pas, mais parfois il y a des hasards dans le sens que c'est, faut pas donner subjectivement un sens à tout. Sinon, ça devient pire que de ne pas voir de sens dans rien. Donc oui, ça va être autour de quoi selon vous le montant? D'après moi, là, c'est quoi en Autriche? C'est en Autriche, ça tourne autour de 7 000 euros. Je ne sais pas, il me semble. Je ne suis pas sûr, je ne me souviens plus. La pandémie, c'est faux, puisqu'une pandémie, à mes yeux, c'est au-delà de. Ben oui. Ben oui, mais là, vous voyez, ça a commencé par des morts. Après, c'était des gens malades. Puis on a fait des cas. Des cas souvent qui ne savent même pas que, bon. 2 500. Oh, vous êtes optimiste. Vous êtes optimiste, 2 500. J'espère que ça va être dans ces prix-là, franchement, là. Ben, il commence à frapper là où ça fait mal pour vrai, hein? Suis peut-être pas correct de dire. Si on coupe l'itinérance des. L'interférence des élites, ils redeviennent des personnes lambda. Ben oui, mais ils sont moins que des personnes lambda. Il y a ce qu'on appelle en psychologie les activités de compensation. Il y a des gens qui vont se rendre à des postes d'autorité dans leur vie ou qui vont particulièrement bien réussir leur vie par compensation du fait qu'au fond, ce sont des médiocres, qu'ils ont aucun talent dans rien. Dans rien, à part mener les autres, manipuler les autres. Donc, entre 1 000 et 5 000, moi, je pencherais pour vers 5 000. D'après moi, c'est autour de 5 000 qu'on va vous demander. Si cela passe au conseil, moi, ben, à date, même quand c'est inconstitutionnel, ça reste des décrets, tout simplement. Pourquoi? Parce que constitutionnellement, ça ne peut pas devenir des lois. C'est incroyable, hein? Les côtés jongleurs, les entourloupes qu'on nous fait. Ici, les gens autour de moi qui ont foncé aveuglément pour les 2 premières inoculations, cette fois-ci, une réticence, voire un refus. Mais c'est pour ça qu'ils vont durcir le ton. C'est pour ça aussi qu'ils envoient Dr. Arruda en vacances, puis là, ils nous mettent un nouveau. Lui, il va avoir la poigne plus raide, vous allez voir, c'est certain. Donc, coucou à tous. Je suis au lit avec ce fameux symptôme grippal, ça ne vaut pas tout ce scandale. Ben oui, je sais. Mais vous verrez que, bon, ça ne dérange pas, là. On nous parle de science, on nous parle de science, puis on est complètement sorti du factuel et de l'empirisme factuel. On est entré dans une forme d'idéologie. C'est de l'idéologie. Je veux dire, prenez par exemple la serviette sanitaire, là. C'est une forme d'amulette psychologique liée à un rituel social de consentement à un nouveau type de régime transnational. Voilà ce que j'en pense. Aussi, la vaccine, l'inoculation, il faut que je fasse attention. Aussi, l'inoculation ne fonctionne même pas puisque certains ont plusieurs fois. Ben oui. Ben oui, on est en dehors de la logique et de la pensée rationnelle, là. C'est une secte à ciel ouvert, la planète. Ça en a toujours été une. Mais là, certains processus, certaines mécaniques sont exacerbées. par certaines personnes dont certaines choses arrivent à échéance. Certains agendas arrivent à échéance. Donc, il y a quand même une différence entre ce qui est annoncé, ce qui est mis en place concrètement au niveau des annonces du gouvernement. Par exemple, pour l'Autriche, ça vient d'être mis à plus tard. Ben, c'était peut-être pour gagner du temps. Vous savez, il y a des coups de poker. Il y a des coups de poker parce qu'on est beaucoup dans la pression psychologique, dans l'intimidation, dans la menace. C'est des petits menaçants, c'est des petits boulets. C'est des petits boulets. Aussi, selon la Charte universelle des droits de l'homme, ils font des lois en contradiction avec la Charte alors qu'elle est au-dessus de toutes les... Ben oui, c'est pour ça que ça reste des décrets, entre autres. Imaginez, là, au niveau du constitutionnel puis au niveau des chartes. Vous regardez, là, ils exigent le passeport pour des lieux de culte. Il y a des couvre-feux, on n'est même pas en état de guerre. Ils nous ont mis une loi d'état d'urgence qui est injustifiable comme si on était en état de guerre. Mais la charte garantit la liberté de culte et le droit de circuler dans notre pays, supposément, là. Mais le problème, c'est qu'on a affaire à des mafieux. C'est des mafieux. C'est comme l'affaire, là, leur nouvelle taxe, là, leur nouvel impôt d'inoculation. Bon, comment voulez-vous que des mafieux fonctionnent autrement que par du racket et de l'extorsion pour faire pression, puis de la menace? Et puis c'est exactement ça, là. Exactement ça. Puis j'ai pas du tout peur de le dire. Oui, c'est devenu une religion. Ben oui, parce que ça utilise les mêmes mécanismes psychologiques qu'un culte. Puis derrière les rideaux, il y a des mécaniques, puis les mêmes mécaniques, mais à des niveaux de plus en plus subtils. Bonjour, Camille. Donc, connexion, bon. Imposer l'inoculation, c'est de la dictature et du fascisme. Oui, mais c'est une dictature d'extrême gauche, au fond, genre stalinienne. Ça, je le dis depuis le début. De toute façon, le fascisme, malgré son côté dit nationaliste, était d'extrême gauche. Elle a toujours été. Prenez NDSPAP, je ne sais plus trop, là, le Parti des travailleurs allemands, le national-socialisme. Hey, c'est des niaiseries de gauche. Je devrais faire attention à ce que je dis, mais c'est ça quand même. D'accord? Il y a des coups de pression qui sont mises à la population car tout ne se passe pas selon moi. Là, je ne sais plus. Là. Ben oui, j'ai vu ça. Brigitte Macron dit qu'elle a peur de la haine. Il va y avoir de la haine. Hey. Qui tient des discours de haine? Qui a des discours propices à la... Qui engendre de la violence? Je veux dire, c'est violent, c'est haineux. Prenez ici, là, Denise Bombardier, Richard Martineau, Patrick Lagacé. C'est épouvantable. Comme Patrick Lagacé, lui, il est là à parler d'édenté. Il veut perdre ses dents. Il veut perdre ses dents. Je trouve ça dangereux. Là, Legault est là. Ah, oh, faut les protéger d'eux-mêmes. Ben oui, mais Richard Martineau, Denise Bombardier, puis Patrick Lagacé, eux, je donne pas cher dans leur peau si ils marchent dans certaines rues. Hein? Qui va les protéger d'eux-mêmes? Ben le régime. Le régime. Mais ça dure jamais longtemps. En tout cas, on verra bien comment ça bascule. Et bon. Les non-inoculés sont les nouveaux hérétiques, et voilà. Et voilà. Et le Collège des médecins se conduit comme une inquisition. Parce que c'est ça leur fonction, c'est comme le Saint-Office. Hein? Avoir, ils ne rendront jamais obligatoire car ils devraient payer les effets secondaires. Non, ils se sont voté l'immunité. C'est pour ça qu'au niveau de ressortissants étrangers qui viennent sur le territoire, au niveau de réfugiés, puis c'est moins clair, donc là, ils pourraient être poursuivis. C'est pour ça que là, c'est moins obligatoire, là, tout d'un coup. Bon, en tout cas, c'est il y a des détails de droit là-dedans ça serait long, là, à expliquer. Ça prend presque les formes d'une religion, voire une inquisition. En attendant, Madame Buzyn va recevoir la Légion de... Ben oui, j'ai vu ça. C'est assez... Ben, vous savez, c'est comme le prix Nobel de la paix. Quand quelqu'un reçoit ça, je me demande tout le temps quels sont ses crimes. Donc, un avis sur la Russie et l'Ukraine. Vous savez, moi, je n'ai jamais cru à la polarité Est-Ouest. Ça, vous savez, là, ça fait des années que j'en parle. La chute des Romanov a été voulue par les services anglais. Puis là, on nous fait des films là, où Rasputin est montré comme un super méchant. Tout est beaucoup moins simple. Tout est beaucoup plus simple aussi, d'une certaine façon. Mais le bloc soviétique a été financé de l'extérieur, il a été voulu. C'est toute de la bullshit. La Chine n'est pas. C'est un laboratoire qui est financé. Mao a été financé. Donc, bon. En tout cas, la rhétorique va basculer sur un. Ben, c'est pour ça, pour tout ça pour dire que la Russie et l'Ukraine vont servir de prétexte. Pourquoi? Pour faire de la régulation des populations, si vous voulez. La rhétorique va basculer sur un nouveau sujet, le réchauffement de oui, ben hier ici, il faisait moins 35. Tout un réchauffement. Il y a trop d'infos et d'exemples qui viennent démasquer la bouffe. Non, vous savez, les gens sont plus cons que ça. Là, je parle au sens où les gens sont tellement naïfs puis tellement sensibles à la suggestion puis à l'induction que ça ne change pas grand-chose, que ça n'a aucun sens. Ça, on le voit par les mécanismes sectaires. On a affaire, l'être humain est un anthropoïde sophistiqué, un animal social, si vous voulez. C'est lié à la mécanique, les lois de son âme. Puis, quelque part, on peut faire ce qu'on veut avec la majorité. Avec la majorité. C'est pour ça que je ne m'adresse jamais à une majorité. Je m'adresse à des individus qui ont une capacité d'avoir ce qu'on pourrait appeler un esprit ou un contact avec leur esprit. Parce que des gens qui font partie de la majorité, c'est très difficile de sortir de ce genre de programmation-là. Donc, la mascarade peut continuer encore. Initiative Brain lancée par Barack Obama sans lier aux vax, ils ont trouvé des systèmes pour influencer la masse s'ils utilisent la techno. Oui, ben vous savez, c'est parce que quand il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'opération Paperclip, puis il y a beaucoup de savants allemands qui sont allés aux États-Unis travailler pour la CIA et qui ont poursuivi certains travaux, dont certains travaux qui ont où des Québécois ont servi de cobayes, notamment dans les sous-sols de l'université McGill. Même des orphelins de Duplessis ont servi de cobayes. Et bon, en tout cas. La rumeur veut que Trudeau s'apprête à déclarer l'état d'urgence qui lui permettra de contourner nos droits et rendre obligatoires les... Et voilà. C'est possible. C'est très possible parce qu'il se prépare à des soulèvements. C'est pour ça l'affaire du 10%, moi j'y crois pas. C'est plus que ça, c'est plus de monde que ça. C'est possible. Il y a rencontré en cachette les ministres des provinces là, il y a quelques jours. Ça regarde pas bien. Ça regarde pas bien. On va avoir du fun. Mais il nous prépare le party. Rumeur par contre-cœur, chance. 6 chances sur 10 à la deuxième. Et 7 chances sur 10 à la troisième de claquer sous 10 ans plus d'immunité pour lutter contre les débuts de tumeurs, blablabla. Moi, ben, ça, je pourrais pas dire, là, mais bon. Oui, mais le climat au Québec est différent à cause d'un courant de l'océan. En France, je suis de Normandie et il n'a pas encore gelé. Oui, ben, je ne dis pas qu'il n'y a pas des changements climatiques. Mais moi, je vous avertis, il va y avoir beaucoup de morts par le froid. Donc, il va falloir faire attention aux termes qu'on emploie. On ne peut pas vraiment pas. Ça devrait changer selon la région. De toute façon, à mes yeux, ça suit un certain cyclisme. Il y a une partie qui est possiblement manipulée de façon artificielle pour toutes sortes de raisons qui sont classées secret défense. Donc, bon. Bonjour, Steven. Bonjour, Louis. Ici en France, ils commencent à nous chuchoter que les élections se passeront dans des nouvelles conditions à cause de la crise. Et bien, oui, vous allez vous faire un bail, faire un Biden. C'est aussi simple que ça. Joe Bidet. C'est la même. pour une fois que c'est les États-Unis qui servent de laboratoire avant d'être appliqué. Le fameux Dark Winter, ouais. Possiblement. Possiblement. Je ne veux pas faire de peine à les gens qui sont optimistes, là, puis qui veulent, qui sont à la recherche du bonheur. Mais c'est parce qu'il y en a, ils vont tomber des nues, là, possiblement. De la même façon que j'en appelle pas à ça, dans le sens que je ne souhaite pas ça, là. Mais personnellement, ben, je pense que oui, c'est certain que ça va finir par. Il va y en avoir un, ce qu'ils appellent Dark Winter, parce qu'ils nous ont fait tuer avec ça pendant des années, qu'ils en parlent. Et ça fait plus que 2 ans, au fond, que moi j'entends parler de ça, le Dark Winter. Prenez un endroit comme le Québec. Hier, s'ils avaient coupé le courant, on fait quoi? J'ai pas de poêle à bois ici, les tuyaux auraient gelé. On serait dans la merde. Ils vont nous mettre un petit Biden dans le carafe. Ben oui. Optimisme. Préparer des sacs de survie. Ouais. Bonjour Stéphanie. Progressive Connection. Bon. Arruda, il a démissionné de façon volontaire vu qu'il a fait croire des faussetés à la population. Il va se le couler d'eau, se payer le fasciste du B. Quand sa job va être terminée, la retraite aux Bahamas, j'ai hâte de voir ça, moi, ce qu'il va y avoir après tout ça. On verra. Parce que vous savez, au niveau de certains processus, vous faites faire des jobs à du monde, puis après, vous vous en débarrassez. Puis Arruda, c'est pas une lumière, là. Dubé non plus. Pas besoin d'être un génie pour voir que ces gens-là sont une intelligence très, très moyenne. Donc, ils sont possiblement les vassaux de plus puissants qu'eux, et possiblement ils vont être marionnettisés, puis possiblement aussi qu'ils vont être éliminés dans le processus eux-mêmes. Ça peut arriver. Prenez ce qui est arrivé dans le temps de Staline, justement. Donc, hein, rappelez-vous, là, même. Il y a tout le temps, même si ça tombe derrière le rideau, si une certaine gang tombe, une autre gang pour prendre le relais qui va se faire un plaisir de se débarrasser des vassaux de l'autre gang d'avant. Prenez Beria, là, qui sait. Bon. Oui, mais est-ce que ton manque d'optimisme et de tranchée n'empêche pas d'attirer un futur du fort? Oh, bon, ça serait de ma faute. Ben oui, mais qu'on pense avec ton optimisme, mais après, viens pas te plaindre. Et tout, parce que, ben franchement, là, il faut pas non plus accorder trop de pouvoir aux pensées. Les pensées viennent d'ailleurs, c'est justement le fait que les pensées, c'est pas réel. Donc, mon manque d'optimisme n'influe sur rien pantoute. D'accord? Mais il va influer sur ma façon de gérer mon expérimental en temps réel, dépendamment de ce que je suis capable de prendre ou pas, de se voler la face ou pas. On se comprend. Bon, ça va vite, là. J'étais où? OK. Beaucoup se protègent d'éventuels chocs en suivant aveuglément les consignes. Et voilà. Puis ça, c'est quoi? C'est comme remettre à plus tard ou vivre à crédit. Les chocs, ils vont être encore pires. Vous allez faire quoi? Ben, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir d'avance. C'est comme je ne savais même pas que je ferais un live ce matin. Donc, imaginez-vous. Donc, mais j'ai pas peur. Selon toi, y a-t-il une résistance active contre cette caste? Peut-être l'humanité n'aura pas. Ben oui, il y a une résistance, c'est clair. Mais de quel ordre, je ne sais pas encore. Je me considère comme en faisant partie, mais je ne sais pas jusqu'à quel point j'ai un effet. Les purges, les docteurs, les ingénieurs, les généraux. Oui, coucou. Tu peux voir la picouse comme un baptême. Ben, oui, ouais, puis ce qui vient par la suite comme une confirmation, puis c'est devenu des sacrements. Dans une religion scientiste, c'est même pas de la science, tant qu'à moi. Beria, acte de mort lu par Khrouchtchev. Hein. Je crois que l'esclavagisme de l'Est tombe, que nous sommes de plus en plus de têtes de pipe et que la façon dont on fonctionne n'a plus supporté notre train de vie. Ben oui, mais vous, c'est parce que vous êtes un espèce de vous êtes dans l'espèce de religion, en tout cas. Vous faites partie d'une certaine idéologie. Comme quoi que, oh, notre train de vie est pas correct. Ben oui, la pollution, c'est pas moi qui affiche, là, c'est des industriels, entre autres. C'est toujours nous, là, le petit peuple, la classe moyenne, notre train de vie, puis blablabla. C'est parce qu'il y a une mauvaise gestion. Entre autres, de ce qui est au-delà des masses. Il y a une mauvaise gestion par rapport aux ressources par des groupes d'individus. Mais c'est pas notre train de vie aux individus de la classe moyenne. C'est la classe moyenne, là, est pas responsable de tout ce qui vient. Elle fait partie de ce qu'on appelle les ressources humaines. C'est pas, ça va faire à un moment donné culpabiliser le monde. C'est pas de leur faute, c'est pas eux qui sont de mauvaise foi, c'est pas eux qui sont malhonnêtes là-dedans. Donc, l'espèce de religion écologiste, gnagnant, qu'on se regarde tout le temps en soi en disant, ben, notre train de vie n'est pas correct, notre façon de vivre n'est pas correcte, on n'est pas correct. Pendant ce temps-là, on a toute cette clique-là en haut, que c'est eux qui sont pas corrects, puis ça arrange qu'on pense ça, puis on est conditionné à penser ça. Puis à un moment donné, il va falloir que ça arrête. Il va falloir que le monde, parce que ça va être dans le fracas que ça, on va être obligé d'intégrer ça dans de la souffrance expérimentale de l'enfer. Le fait que, justement, on se fourvoie. Donc, bonjour les gens. Ben, qu'on se fait avoir. Bonjour, inimsage. En tant qu'individu, nous n'avons plus de savoir-faire et je crois que c'est une partie du problème. Regardez, là, monsieur Trajan Junior, il y en a du savoir-faire encore. Personnellement, je suis capable de débiter un bœuf. J'ai ma formation à ce niveau-là. Je suis capable, notamment, là, de. Je veux dire, il y en a encore du savoir-faire, là. C'est quoi, là, ce niaisage-là? Tout le temps, c'est tout le temps, oh, notre civilisation, blablabla. C'est pas nous autres le problème, là. Puis ce qui va être intégré, c'est plus qu'un savoir-faire, c'est un savoir, point. Puis elle va falloir faire avec. En tout cas. Bon, j'étais où, là? J'en perds. J'en perds, c'est que je viens en crise. Bon. Je me suis plaint de quoi? J'ai pas dit ça. Je sais pas où je parlais possiblement. Vivement qu'il nous colle l'étoile ou non, blablabla. Ben oui. Je suis encore. Excusez si je lis pas au complet. Je suis encore en retard pour t'écouter, mais bon, je t'écoute en différé. C'est comme bon, c'est correct. Oui, je suis d'accord, mais il faut le voir. Ben oui, puis ça va être de force. De force. Le monde qui veut l'intégrer du réel en dehors de la souffrance expérimentale, puis qui pense que ça va se faire dans le bonheur et la joie, oubliez ça. Vous êtes aussi bien d'aller vous pendre tout de suite. C'est clair? Est-ce que je viens en tabarnak? Bonjour, Médusa. Tu as un effet sur moi, en tout cas, tu as éveillé ma dignité. Je déteins sur toi et je refuserai la picouse, quoi qu'il m'en coûte. Bon. De toute façon, ça, j'irais, au contraire de ce qui est dit d'un côté comme de l'autre en ce moment, c'est lié à l'individu, puis c'est à l'individu de décider. Donc, je peux même pas me prononcer pour ou contre à la place des autres. N'y a-t-il qu'un futur? Ben là, il y a une différence entre ce qui va arriver puis les possibles. On ne vit pas dans de la spéculation, là. Il va arriver qu'un seul futur. Ça, c'est clair. Au niveau des possibles, qui sont des possibles dans le moment, là, il y a possiblement différentes voies. Je ne suis pas un écologiste. Je dis que le petit peuple doit regarder au bon endroit. Ben oui, mais le petit peuple, il était conditionné à regarder ailleurs. Le petit peuple, là, ça va être dans de la souffrance, de l'enfer, qui va se réveiller. Désolé, là. Je suis vraiment désolé. Tu penses quoi de la micro-société que Bernard avait évoquée? J'ai jamais été fort, moi, là-dessus, ces affaires-là. Ça me fait penser les communes des années 60. Là. Puis d'ailleurs, là, son affaire, là, il y a eu Roche Sauvage, il y a eu le projet Costa Rica, il y a eu Zénor, puis ça, deux affaires, ça a tout, bon, ça a tout tombé à terre. Donc, Beaucoup ne savent pas qu'on a plus le droit de faire des choses normales comme tuer son propre cochon dans sa petite ferme en Europe. Ben oui, je veux dire, de toute façon, vous avez des sangliers en plus, vous avez des. Vous avez. Pourquoi vous pensez que dans le temps des seigneurs, puis il n'y avait rien de pire que le braconnage? Sous Louis XIII, il y a eu un garde de chasse général, puis il semblerait que ça fait partie de mes ancêtres. Puis dans le temps, quand quelqu'un était prêt à braconner, il fallait qu'il mange ce qu'il avait tué au complet avec les poils puis les os. Et c'est la mort qui s'ensuivait. Pourquoi vous pensez que c'était vu comme le pire crime que pas? Parce que on vit dans un système vampirique. On est sur une planète vampirique dans le sens que psychologiquement, l'être humain n'est pas capable de fonctionner autrement parce que c'est un animal socialisé qui psychologise son rapport à sa vie, à la survie. Donc, moi, en tout cas. Tu penses quoi de la micro-société, je l'ai dit, future? Je sais pas, ben franchement, j'ai souvent envisagé ça, mais j'ai pas confiance en mon prochain assez. Dans le sens que je voudrais pas être coincé dans une micro-société. J'essaie d'être coincé dans de la société. Donc, je sais pas. Il faudrait trouver une alternative autorégulée qui n'ait pas les travers habituels d'une micro-société. L'idéalisme puis l'utopisme, c'est tellement dangereux. Je suis en train de faire des démarches avec le gouvernement du Québec pour qu'ils me retirent définitivement de leur système de carte maladie. J'ai déjà cette fausse sécurité. Ouais, puis s'il vous arrive quelque chose, vous ferez frapper dans la rue, ils vont pouvoir vous endetter. Vous allez vous ramasser aux soins intensifs parce que les lois font qu'ils ne peuvent pas vous laisser là. Puis peut-être que quand vous allez sortir du coma, vous allez avoir une facture d'un demi-million. C'est quand c'est ça qui arrive, s'il n'y a pas. Vous savez, le problème avec un système de. Hey, tu bougonnes beaucoup aujourd'hui, t'as les dents noires. Hey, va donc chier le machisme. Je t'expliquerai à un moment donné pourquoi j'ai pas d'émail sur les dents. Puis on en parlera du gouvernement. Mais en attendant, va chier. OK? Prends un break, puis va chier. On peut être optimiste ou pessimiste. Une fin de cycle reste une fin de cycle. Et voilà. Ça, j'aime ça. Est-ce que tu connais la mère? Oui. Vous parlez la française qui était dans l'ashram de Aurobindo? Oui. Ben oui, je la connais. Il y a aussi l'éclairage, hein, monsieur Mochis, je suis à contre-jour, il y a de la lumière derrière. Je pourrais. Non, j'ai pas les dents tout à fait noires. Mais il reste que je trouve ça, tu sais, pour que tu te prennes en temps de te couper. Oui, ben oui. Ben oui, je connais la mère, puis ça prend, puis toutes ces affaires-là. Puis Madame de Sergerie qui est eu au Québec, là, les sciences cosmiques, puis. Ce qui reste aussi de. Voyons. En tout cas, mais oui, je suis au courant de tout ça. J'ai lu un petit peu de tout le monde, mais bon. Hein, va-t-il falloir que. Vous voulez que je fasse comme les youtubeurs là, qui parlent de true crime, puis de ces affaires niaiseuses qui sont dans le fond des ternissures d'alarme, puis que je me mette un bel éclairage, là. Que je vais être éclairé en pleine face, comme ça. Êtes-vous capable de dire la couleur de ma chemise? C'est sûr que je suis mal éclairé en ce moment. Maintenant, je ne vais pas commencer à agir comme un petit crétin. Il est là l'affaire. Tu bougonnes beaucoup aujourd'hui. Calisse, va chier. Va chier le machisme. Tu m'en sors un autre de même. Là, puis, vous savez, moi, je ne cours pas après les abonnés. Fait que ça me dérange pas de faire des purges. Ça me dérange pas. Il y en a qui l'ont appris, j'ai même pas eu d'avertissement. Mais non, vous voyez, moi là, je vais commencer à faire comme toutes les je vais me, comme ceux qui parlent de voyons donc, c'est quoi que vous voulez? Voulez-vous un esti de cabochon? Je peux prendre mon cash pour aller me faire blanchir les dents, puis hein? Mais par contre, ça se peut que ma vibration abaisse si je me mets dans un mode demain. Si je me mets dans un mode comme ça, ma vibration va descendre, puis ça se peut que je devienne cave. Ça se peut que, ah, puis là, je vais devenir jovialeux. Puis je vais devenir. On va jaser d'affaires qu'on s'en calisse, dans le fond, parce que c'est pas important. C'est pas ça qui est un. Bon, en tout cas, on s'arrête pas à ça. Non, c'est pas que je viens en crise pareil. Je suis assez. Non, c'est vrai que je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. J'en vois qui retombent dans des vieilles affaires, comme des c'était des drogués qui retombent dans la drogue. J'en vois d'autres et tout. C'est dès que la tension commence à monter, ils retombent dans des vieilles illusions. Puis ça me met en colère. Puis genre, ça fait plusieurs ce matin là, dont j'ai eu connaissance. De toute façon, on est dans une pièce de théâtre avec différents scénarios. Il va arriver une affaire. Il n'en arrivera pas 10 des futurs, là. De la programmation, c'est de la programmation. Puis des acteurs et des doubleurs, je veux dire, vous ne pourrez pas demander à quelqu'un de l'intégrer en souffrant à votre place. Donc, bonjour Lionel, Carole, bonjour, bonjour Cellule Or, Julie Lavallière, merci pour le réalisme, on s'en fout ben oui, du positivisme inutile. Là, ça dépend ce que vous parlez du positivisme comme à la fin du 19e siècle. Ou de la pensée positive qui est pas pareil. Mais je pense que je comprends ce que vous voulez dire. Du négativisme nuisible, merci pour les vaches bien méritées. Ben, c'est qu'à un moment donné, moi, je suis pas en train d'animer salut, bonjour, là. Puis, je suis pas là pour me faire chier non plus. Puis, d'une certaine façon, ben, ça fait partie des services que je peux rendre, t'sais. Je peux vous l'expliquer, c'est quoi, pourquoi j'ai plus l'émail sur mes dents. J'ai été en dépression, moi, de l'âge, en dépression majeure, là, de l'âge vers l'âge de 7 ans. Après un décès dans ma famille, puis aussi, j'étais dans un milieu très, on pourrait dire, malsain, puis sans être ingrat envers personne. Puis j'ai été en dépression majeure de l'âge de 7 ans, là, avec des problèmes, là, entre autres, là. En tout cas, toutes sortes de problèmes. J'étais vraiment un enfant malheureux. Pourquoi? Parce que j'étais trop lucide. Je me rendais compte de beaucoup de choses, puis j'étais trop jeune pour avoir ça sur les épaules. Donc, de l'âge de 7 ans jusqu'à vers la fin de la vingtaine, j'ai été en dépression majeure. Puis, il n'y a pas une sorte d'antidépresseur qui n'ont pas essayé sur moi. Ça m'a complètement détruit l'estomac. C'est pour ça que j'ai tout le temps ça avec moi. Puis ça m'a complètement brûlé l'émail des dents par l'acidité gastrique, entre autres. Donc, oui, quand je bois du café, ça me tache les dents parce que j'ai pas d'émail, j'ai les dents poreuses. Puis d'ailleurs, j'ai des sensations dentaires 24 heures sur 24. Quand je vous dis, j'ai des douleurs chroniques de plusieurs types tout le temps, là. Même quand je dors, je sens des douleurs. Donc, l'affaire là, de venir me faire chier avec des niaiseries de même, là, toi, Mané, mais que tu tombes dans la souffrance expérimentale, ça va y aller par là. Moi, personnellement, ça ne me fait plus grand-chose. Mais bon, j'ai eu l'envie de tester. Oh, ouais. Ce n'est pas fin comme approche présentement. Bon. Bon, c'est pas grave, là. Mais il reste que, moi, des fois, on ne sait pas, hein. Non, c'est pas ben, dans le sens, moi maintenant je m'en fous. Mais j'ai eu une intense envie de mourir de l'âge de 7-8 ans jusqu'à la fin de la vingtaine. Tous les jours, tout le temps. Puis quand on part, puis c'est sans aucune médication ni rien que je passe à travers tout ça, savez-vous comment? C'est entre autres en me rendant compte des mécaniques de la psychologie humaine, mais ça a hypothéqué toute ma vie. Ça a vraiment détruit toute ma vie de bien des façons, mais j'ai réussi à intégrer des choses épouvantables que j'aurais pas pu intégrer autrement par de la souffrance. Il y a beaucoup de choses que je sais, puis sur lesquelles je me fais plus d'illusions par de la cause de ça. Donc, j'ai eu les dents bousies aussi par la prise de médicaments quand j'étais enfant. Ben oui. Je sais que je suis pas tout seul, puis pensez-vous que l'État va me repayer des dents? Ben non, c'est moi qu'il faut qu'il paye, mais bon, il y a du monde qui arrive ici, un instant, là. Je m'excuse, je vais mettre fin au live parce qu'il y a du monde qui sont arrivés. Donc, désolé, là, mais c'est des choses qui arrivent.